stigmatisation, elle est aussi aujourd'hui à réfléchir sur d'autres plans. Moi, j'en vois déjà un. Est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle forme où on ne poursuit pas, je dirais, ce phénomène de la stigmatisation en établissant un autre mode d'échange avec le numérique ? Moi, je pense que c'est très stigmatisant que d'imposer aujourd'hui, et ça va à toute vitesse, un mode de communication qui perd un grand nombre de personnes et de différentes catégories d'âge, socioculturel, tout ce que vous voulez. Oui, aujourd'hui, la protection sociale et l'administration numérique me lâchent comme en lâche d'autres. Je me sens stigmatisé parce que me met devant mes propres limites et incapacités. La stigmatisation, elle est aussi peut-être à réfléchir sous d'autres angles, peut-être plus inattendus. À côté de la stigmatisation, il peut y avoir d'autres perceptions du système de protection et de l'aide qui viennent expliquer des mouvements un peu de fond qui commencent à se dessiner, et notamment de certains replis en termes de recherche d'alternatives aux services publics ou au système de protection. Une sorte de recherche de solutions dans des collectifs, autour peut-être d'idées de partage, sur des logiques de dons, tout ce que l'on veut, qui viendrait peu à peu se substituer à des réponses à des besoins qu'on pourrait trouver du côté du système de protection ou des services publics. Je ne dis pas que ceci s'explique par la stigmatisation, je pense que ça s'explique par d'autres phénomènes, mais justement, ces autres phénomènes sont aussi à prendre en compte. La stigmatisation, phénomène important, il faut continuer à étudier, mais il ne faut pas qu'il occulte d'autres choses qui sont tout aussi importantes.